C'est ça. Une des missions de Miel Montréal, c'est de créer et entretenir des habitats favorables aux pollinisateurs. Oui, exact. Donc, on a nos fameux jardins des pollinisateurs, qui est un volet qu'on est en plein développement. Donc, c'est tout à fait possible pour, surtout en ce moment, on fait ça beaucoup dans les écoles, dans les organismes communautaires, de plus en plus avec la ville de Montréal. Donc, avec l'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie, on fait carrément de lutte contre l'herbe à poux en mettant des fleurs bonnes pour les abeilles. Donc là, c'est d'ajouter encore plus de fonctions écosystémiques à notre environnement. Puis moi-même, ben, ma recherche, j'en ai pas parlé beaucoup jusqu'à maintenant, mais moi, je fais beaucoup. Mon étude est sur l'agriculture urbaine et sur comment, en fait, de faire un compagnonnage dans des plantes alimentaires comme des tomates cerises, puis des plantes phytorémédiatrices, donc qui décontaminent les sols. Mais là, ce qu'on veut voir aussi, c'est si des plantes qui font des fleurs bonnes pour les abeilles peuvent aussi décontaminer les sols, mais sans pour autant que les contaminants aident dans le nectar et nuisent aux pollinisateurs. Donc, c'est ce genre d'équilibre-là que la nature faisait bien avant nous, qui pourrait tranquillement aussi, si on veut, réparer tous les dégâts qu'on cause au quotidien. Donc, c'est ce genre d'intérêt qu'on oublie des fois à quel point les plantes sont magiques, puis ils peuvent vraiment participer justement à rafraîchir notre air, tu sais, avec les îlots de fraîcheur, donc beaucoup d'îlots de chaleur en ville, capter le ruissellement de la pluie qui malheureusement souvent on met tellement de béton que nos égouts refoulent et là on contamine notre eau. Alors, plus qu'on va mettre de végétaux, plus qu'on va résoudre de problèmes. C'est pas plus compliqué que ça. Et qu'est-ce qu'un individu peut faire pour aider à cette mission-là? Ben c'est ça, il y a plein de belles actions, bien entendu. J'espère que les gens ont compris que planter des fleurs indigènes et mellifères, c'est vraiment une solution en soi. Puis c'est beaucoup plus accessible qu'on croit. Il y a sur le site de AgriRéseau la fiche de fleurs mellifères du Québec qui est facile d'accès. Sinon, c'est ça, Miel Montréal, on offre de plus en plus de formations sur comment créer un bon jardin pour les pollinisateurs. Donc, la diversité, c'est la clé, hein? Plus que tu mets une diversité de couleurs, plus que tu mets une diversité d'espèces, plus que tu mets une diversité aussi de floraisons différentes, parce que si toutes tes fleurs fleurissent en juillet, c'est le fun, mais après ça, qu'est-ce qu'elles vont, ils vont faire les pollinisateurs le reste du temps? Et une diversité en termes de strates, donc avoir des plantes couvre-sol, des plantes herbacées, des arbustes, des arbres, ça permet de correspondre à tous les besoins de ces petites abeilles indigènes que je parlais, qu'il y en a qui vont nicher dans les branches, d'autres qui vont nicher dans le sol, etc. Donc, plus qu'une diversité, plus que tu vas amener une diversité pour tes pollinisateurs aussi en même temps. Aussi, quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que les abeilles, mais ce sont des animaux et elles ont besoin d'eau. Beaucoup d'eau. Imaginez là, comment une tasse de miel. À quel point c'est sucré puis qu'on a soif après, mais imagine quand c'est ton régime alimentaire. Manger du miel, donc elles ont besoin de beaucoup d'eau pour compenser. Et en fait, elles adorent l'eau sale, entre guillemets, donc l'eau minéralisée avec des nutriments dedans qu'elles vont chercher, qui est complémentaire à leur alimentation dans les fleurs. Donc, malheureusement, ça va leur arriver de boire de l'eau vraiment dégueu et contaminée à cause de ça, parce qu'elles n'ont pas d'autres sources. Donc, si vous voulez aider les abeilles, simplement faire un petit abreuvoir sur votre balcon. C'est aussi simple qu'une soucoupe que vous mettez des petites roches à l'intérieur. Ça leur permet autant d'avoir les éléments nutritifs que je parlais, que aussi être un accotoir pour qu'elles puissent boire sans se noyer. Acheter local et biologique. Ça, c'est vraiment un geste simple. C'est le fun, c'est bon. Puis c'est efficace. Donc, encourager l'agriculture biologique, c'est d'une certaine manière faire reculer l'agriculture industrielle qu'on a nommée qui est problématique, encourager nos fermiers locaux et encourager nos apiculteurs locaux et biologiques qui font du mieux qu'ils peuvent pour faire une pratique responsable à tous les coups. Et ce qui veut dire très peu d'argent en retour. Donc, c'est vraiment important de les encourager et de les faire vivre pour, on l'espère, retourner vers un système alimentaire plus durable et résilient à long terme. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien entendu, pas mettre de pesticides. Donc, aussi contribuer à l'agriculture écologique. Puis, ça a l'air facile à dire, mais malheureusement, notre système est très vicieux de ce côté-là. La plupart des gens sèment du gazon rempli de pesticides sans même le savoir. Donc, lire les étiquettes, c'est triste à dire, mais c'est rendu que des, c'est pas, ça n'a pas été écrit en gros que c'est rempli de pesticides. Puis bien entendu, moi, je ne suis pas une grande fan du gazon. Le gazon, c'est justement une monoculture très peu intéressante pour les abeilles. Si vous voulez quand même une belle pelouse verte, allez vers le trèfle. Parce que le trèfle, bien, premièrement, c'est plus résilient, moins besoin d'arrosage, moins besoin d'engrais. C'est une plante qui fixe son propre azote, donc pas besoin d'en mettre. Et en plus, ça fait des fleurs. Donc, des petites fleurs blanches très jolies et que les abeilles raffolent. Ça fleurit de juin à septembre. Donc, c'est parfait pour une grande partie de la saison pour les abeilles. Alors, moi, je suis une fan infinie du trèfle. Si c'est vraiment un geste simple qui fait toute la différence, semez du trèfle à la place de votre gazon. Si on met du trèfle, est-ce qu'on doit le couper? Non, c'est ça qui est beau aussi, c'est que ça fait maximum 5 cm de hauteur. Tu n'as jamais besoin de le tondre. Là. Ça te simplifie la vie. C'est juste simplement, encore une fois, changer une mentalité qu'on a juste gravée dans notre tête que ce qu'il faut, c'est un beau gazon vert. Ben, le trèfle vert, c'est selon moi encore mieux. Bien reçu. Je pense que je vais en parler à des gens. Et oui, ben ça, c'est la dernière action. En parler, justement. Donc, s'il y a une chose qui vous a plus touché qu'une autre dans cette émission, ben s'il vous plaît, passez le mot. Puis, venez faire un tour sur le site Internet de Miel Montréal, voir nos belles formations qu'on offre. C'est l'été, on va faire de plus en plus d'activités à l'extérieur avec un tranquillement un déconfinement, puis ben on fait ça de manière sécuritaire. Donc, venez nous voir. D'ailleurs, en fin de semaine, ah ben sûrement que toi, ton émission, elle va pas passer tout de suite. OK, je vais pas faire de pub d'abord. Juste une petite parenthèse, je regardais tantôt le quartier, parce que je suis allé voir juste sur Google Maps, Street View. T'sais, je regardais autour, parce que je connais quelqu'un qui a habité dans un logement autour, comme juste en face du musée. Pas les résidences, mais un logement. Je suis allé voir, puis il y a des vieilles maisons juste là. Comme il y a comme un petit 3-4 coins de rue que c'est plein de maisons qui doivent avoir comme au moins 80 ans. Juste là, puis tu sais, c'est aménagé comme à côté d'un viaduc, comme tu sais, il y a le train qui passe, il y a comme l'église qui a été comme changée de place. Il y a des condos qui sont juste à côté. Fait qu'il y a comme vraiment c'est un endroit fertile pour réfléchir à ce genre de problématiques-là. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Et le quartier que tu cites, moi, j'aime beaucoup. Je me sens privilégiée quand je viens en bus. Pour ma part, je reste dans Villeray-Saint-Michel par Kex et je prends en fait la 460 sur Crémazie quand je veux venir en bus. Et je descends effectivement au métro du collège. Et me rendre à pied du métro du collège au cégep de Saint-Laurent et au musée, on traverse ce quartier dont tu parles. J'adore ce moment. Là parce que il y a effectivement ce rapport à cette architecture historique, ce côté patrimonial, et là on est effectivement dans le vieux Saint-Laurent. Alors au musée, on a mis sur pied une visite le vieux Saint-Laurent autrement, et on propose des parcours pédestres aussi. On l'avait mis sur pied l'année précédente, la pandémie, donc pendant la pandémie ça nous a permis aussi d'offrir un peu un contenu extérieur, hein, puisqu'on pouvait pas être à l'intérieur. Mais je me sens privilégiée, et c'est ce que j'aime. Ce quartier à échelle humaine, c'est une notion maintenant que les gens commencent à bien intégrer, hein, sur le plan politique également, mais il y a vraiment, c'est une vraie réalité, c'est des quartiers qu'il faut protéger, parce que c'est vrai qu'avec cette pression immobilière, si on n'y prend pas garde, ces maisons-là vont disparaître. On va voir pousser des immeubles, alors ils pourraient être intéressants, mais malheureusement ils ne le sont pas toujours, donc quand on est à la tête d'une municipalité comme Saint-Laurent, c'est certain qu'il y a de la pression immobilière, hein, les condos, c'est des taxes qui arrivent, etc. Il faut, je comprends très très bien ces enjeux-là. Néanmoins, moi, mon rôle, c'est effectivement de souligner la valeur patrimoniale et de dire que de garder ces quartiers-là, c'est aussi une destination touristique, c'est aussi de la valeur foncière qu'on conserve. Donc, s'il vous plaît, protégez et faites attention aux belles choses. Au Québec, l'histoire n'est pas très ancienne, mais elle est présente. Donc, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on puisse à tout le moins conserver ce qu'on a d'intéressant.

Ok, je vais réfléchir ensuite si j'ai encore envie d'avoir la punition, la sanction, bref. Je pensais à des amis qui me disaient que il faut se raconter l'histoire québécoise, il faut avoir des héros québécois. On ne se raconte pas nos héros. Il y a d'Iberville. D'Iberville, c'est un héros, c'est un gars qui était cool. Il s'est battu contre les Anglais et tout ça. Puis ça serait le fun d'avoir un héros. Puis, tu y penses, puis ce gars-là comme, il a comme bombardé des villages, puis il a comme saccagé des endroits. Est-ce qu'on veut vraiment comme l'avoir comme héros ou est-ce que c'est correct de se rappeler de ce personnage-là, mais c'est quoi l'intérêt ultime de comme mettre des effigies de cette personne-là, t'sais? Que ce soit abstrait ou pas? Ben, l'historien n'est pas là pour créer des héros ou des monstres ou poser un jugement. Hein? Mm-hmm. Le jugement en histoire, c'est probablement le péché capital de l'historien. Alors, on va au contraire essayer d'expliquer les choses. L'enjeu de la commémoration, de la mémorialisation des personnages, en faire des héros ou les mettre sur des piédestals, hein, c'est ça une statue, c'est élever quelqu'un au-dessus de la personne qui, le personnage historique qu'il était, hein, c'est en faire des gens plus grands que nature. Alors ça, on est dans la mémoire, on est dans la commémoration, et puis on est justement dans des versions de ce récit national que l'on se raconte. Alors, l'historien est là pour justement mettre ça en perspective. Et cette envie de se trouver des héros, raconter une histoire qui est belle pour inspirer la fierté nationale, ben ça, c'est une commande qui est soit politique ou idéologique, mais disons que l'historien professionnel cherche à s'en détacher le plus possible. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, parce que ces choses-là, ils ont eu lieu dans des contextes particuliers, avec comme des causes et des conséquences précises aussi. C'est pas juste. Ben c'est ça, les enjeux, les monuments, les enjeux de mémoire, ils font partie d'une volonté de certains groupes de s'approprier l'espace public pour y porter un message. Et ces messages-là, ils peuvent être remis en question, hein, puis. Bon, ils le sont aujourd'hui, d'ailleurs. Mm-hmm. Mais c'est quand on s'attaque à une statue de John McDonald, on ne s'attaque pas à l'histoire, on s'attaque à la mémoire et aux groupes d'influence qui ont voulu célébrer une certaine vision de l'histoire à travers la mise en place de ces monuments dans l'espace mémoriel et public. Oui, c'est ça. Parce que tu enlèves les statues, nécessairement que tu oublies soudainement que cette personne a existé et qu'est-ce qu'elle a fait. Ben, c'est ça. Les historiens vont toujours parler de John McDonald. C'est pas parce qu'on l'enlève de l'espace public qu'on enlève sa célébration de l'espace public qui est effacée de l'histoire. Hein. Les historiens, ils ne cancellent pas. Il n'y a pas d'annulation de personnages dans l'histoire. Mm-hmm. Au contraire, on va les mettre en perspective et on va pouvoir montrer comment ils ont un impact négatif, par exemple. Mm-hmm. Donc, c'est pas une longue marche dans les prairies heureuses de la nation. Là. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas mentionné, mais tu es aux États-Unis, les statues confédérées, ça fait. C'est une controverse, là. Mm-hmm. Ces gens-là. Puis, je sais pas à quel point c'est. Tout ça, c'est exactement vrai. J'ai vu une vidéo sur YouTube. T'sais. Essentiellement, les statues confédérées, c'est une commande politique. C'est pas des statues comme ancestrales. Ça provient d'un certain temps. C'est des produits de masse. Ils sont là comme pour comme investir l'espace public d'une certaine idéologie. Mm-hmm. Oui, mais c'est. Order of the Daughter of the Confederacy, là. C'est un mouvement, c'est un groupe d'intérêt du 19e siècle qui a mis de l'avant cette politique pour redéfinir l'image des soldats confédérés puis de la cause. Hein. On appelle ça « the lost cause hein. ». On disait que, dans le fond, c'était pas une guerre pour l'esclavagisme, c'était une guerre pour les droits régionaux et puis contre la centralisation et tout ça. Alors, c'est évidemment une entreprise de redéfinition